Je sais que le bien, le mal n'est qu'une question de point de vue, mais je réalise que être quelqu'un de bien est superflu. Moi d'abord je veux vivre, on vise les marches en or. Mais combien de gens vivent pour vivre en France? De combien d'enfants je prive de joie de vie? Combien d'existants je méprise? L'envie, la jalousie, qu'est-ce que je pense de ces conneries? Moi je préfère rien dire et puis la guitare pleure mieux que je ne peux l'écrire. On préfère sourire que continuer d'idéaliser. Et qui veut mourir, qui veut voir ses rêves réalisés? Non, c'est moi d'abord, donc comment être civilisé? Bon, le bien, le mal, ou bien du mal à se diviser.